participer aux élections pour l'intérêt des musulmans? Cheikh Abu Maryam répond: l'adhésion au parlement idolâtre et le fait de s'ériger soi-même en tant que législateur en dehors d'Allah fait partie des plus grandes formes de shirk akbar, polythéisme majeur. Et quiconque choisit un législateur en dehors d'Allah aura instauré un seigneur en dehors d'Allah. Et cela est la réalité du shirk. Et l'ignorance, la mauvaise interprétation ou l'intérêt ne lui profite en rien, car il a annulé le plus grand des intérêts qui est le monothéisme. Celui qui prétend qu'il y a une divergence dans la réalité de celui qui s'érige en tant que législateur en dehors d'Allah, malgré qu'il s'est érigé comme législateur, ou que celui qui l'élit pour qu'il devienne législateur en dehors d'Allah sont musulmans, s'il prétend cela, il ne connaît pas l'islam.